Chapitre 16e. C'était par sympathie, par besoin d'obliger, par amitié, que Madame Guesviller s'était employée auprès de Madame Raffelis pour que celle-ci voulût bien prendre Geneviève comme élève. Mais c'était aussi, jusqu'à un certain point, par intérêt personnel, dans l'espérance que les progrès de Geneviève hâteraient ceux d'Odile. Tout d'abord, quand Geneviève avait commencé la musique, ça avait été Odile, qui, moitié en jouant, moitié sérieusement, lui avait donné les premières leçons. Mais l'élève avait bien vite laissé son professeur en arrière, et Sophie, la sœur aînée, avait dû prendre la place de la petite Odile. C'était une enfant intelligente, pourtant, que la petite Odile, mais qui ne se mettait au piano qu'à son corps défendant. Aimait-elle la musique, ne l'aimait-elle point, on n'en savait rien, par cette excellente raison qu'on ne l'avait jamais interrogée sur ce point qui, pour les Guesviller, ne pouvait pas être mis en discussion. Pour eux, tout le monde aimait la musique comme tout le monde respire. On respire plus ou moins bien, on a des poumons plus ou moins bons, voilà tout. Odile semblait n'avoir que de médiocres poumons. L'exercice les fortifierait, et alors elle respirait comme ses frères et ses sœurs. Justement, l'exercice avec Geneviève, si richement douée de ce côté, lui serait bon. Et quand les deux enfants avaient commencé à travailler ensemble, ce calcul s'était trouvé excellent. Odile, tant bien que mal, avait suivi sa camarade jusqu'au jour où celle-ci, trop forte, l'avait laissée en arrière, à une courte distance d'abord, mais qui bien vite s'était terriblement allongée. Faire donner des leçons à Geneviève par Madame Raffelis n'était pas précisément le meilleur moyen à prendre pour abréger cette distance, puisque les dispositions naturelles de Geneviève allaient, grâce à ses leçons, se transformer vite en talent acquis. Aussi n'était-ce pas cela que Madame Guesviller avait cherché. Ce qu'elle avait espéré, ça avait été simplement que l'émulation piquerait sa fille. En voyant d'où sa camarade était partie et où elle était arrivée, Odile serait touchée dans son amour-propre et poussée en avant. « Vois Geneviève !»« Ce « Vois Geneviève !» on lui avait dit et répété 10 fois, 20 fois par jour pendant les 12 heures de travail qu'on lui imposait sans repos et sans relâche de 7 heures du matin à 8 heures du soir. À ce mot, toujours le même, elle avait une réponse, toujours la même aussi. « Je vois que Geneviève ne travaille pas 12 heures comme moi. » Parce qu'elle travaille mieux que toi, travaille aussi bien, tu ne travailleras pas plus longtemps qu'elle. Sur cette question du travail, Madame Guesviller était implacable, aussi dure pour ses enfants qu'elle l'était pour elle-même. Je n'ai pas une minute de repos, de 6 heures du matin à 11 heures du soir, je ne me plains pas. Et comme elle ne se plaignait pas, elle n'admettait pas que ses enfants se plaignissent. Votre père travaille de son côté, je travaille du mien. Travaillez du vôtre. Levez la première à 6 heures, elle commençait sa journée par réveiller ses enfants, ses filles d'abord, les garçons qui étaient l'un triangle variété, l'autre violon en folie dramatique, rentrant tard dans la nuit. Bon gré, mal gré, il fallait sauter à bas du lit. Si l'on tardait, elle vous secouait d'une main vigoureuse qui chassait le sommeil. On avait 1 heure pour faire sa toilette et sa chambre. À 7 heures, le travail commençait pour les 4 filles. Alors les garçons se levaient à leur tour sans qu'elle eût besoin de les éveiller. C'était le piano de Sophie et d'Odile, la harpe de Salomé, le violoncelle d'Auguste qui les secouait de vibrations et de trépidations exaspérantes. Elle ne faisait grâce à personne. La maladie même n'était pas une excuse, et si elle jugeait qu'un des enfants avait vraiment besoin de rester au lit, elle le faisait travailler dans son lit. Il y avait toujours des devoirs d'harmonie en retard, et la petite Odile devait travailler ses exercices sur le clavier muet, assis sur son lit, un oreiller dans le dos, enveloppé dans un vieux châle. Alors sa mère s'installait près d'elle pour la surveiller des yeux, tandis que l'oreille aux aguets, elle écoutait si ses autres filles et ses garçons ne profitaient pas de son absence pour prendre 1 minute de repos. C'était là qu'un tablier de cuisine sur les genoux, elle grattait ses carottes, épluchait ses choux ou bien son panier à l'ouvrage devant elle. Elle ravaudait les bas de ses enfants, travail terrible qui n'y finissait jamais, qui recommençait toujours et qui était devenu pour elle le cauchemar de ses nuits, dans lequel elle voyait s'agiter furieusement ses 12 jambes chaussées de bas troués. Si attentive qu'elle fût à chercher ses mailles et à suivre les petites mains d'Odile sur le clavier, elle ne perdait rien de ce que ses autres enfants faisaient dans les pièces voisines, et par les portes qu'elle tenait ouvertes, il leur arrivait de temps en temps un mot qui leur rappelait que leur mère baillait en chef d'orchestre féroce. « Sophie, ton accord n'est pas juste. »« Auguste, garde-toi, je vais y aller. » Forte, forte, Salomé, tu les dois en coton. Luttant, tu as manqué ton tri. Florent, ta reprise, tu te fiches de moi. » Et l'admirable, c'est qu'elle ne perdait pas la tête et se reconnaissait au milieu de ce charivari qu'eût affolé tout autre qu'elle. Elle avait même une oreille pour suivre ce que Geneviève travaillait de l'autre côté de la muraille. « Vois, Geneviève, » disait-elle à Odile, « vois comme elle a enlevé son gros petto, comme c'est aisé, comme c'est net. » « Vois, Geneviève, » c'était le refrain auquel revenait Madame Guesfiller toujours et à propos de tout. Le plus souvent, Odile ne répliquait pas, mais sur son pâle visage encadré de cheveux jaunes nattés passait un sourire. Mais parfois aussi elle répondait « Geneviève, oh Geneviève, elle fait ce qu'elle veut, Geneviève, et puis elle n'est pas fatiguée, et moi je suis si fatiguée. Tu ne veux pas me croire quand je te dis que je suis fatiguée. Tu m'accuses d'être paresseuse, je t'assure que je ne suis pas paresseuse, je suis fatiguée, si fatiguée. » Ce n'était pas parce qu'elle n'aimait pas sa fille que Madame Guesfiller ne voulait pas croire à cette fatigue, mais c'était parce qu'elle n'admettait pas qu'on ne pût point, avec de la volonté, surmonter sa fatigue. Si quelqu'un était fatigué dans la maison, c'était elle. Si quelqu'un avait envie de dormir le matin et de rester au lit, c'était elle. Cependant, jamais elle n'avait cédé à la fatigue. Et depuis son mariage, elle n'était restée au lit que quand elle avait eu ses enfants. C'était alors seulement qu'elle s'était reposée, et encore pas longtemps. Pour elle, le travail était une loi naturelle. Elle n'avait que de la haine ou du dégoût pour ceux qui ne travaillaient pas, des lâches ou des misérables. « Voyez, monsieur de Mussidan, » disait-elle à ses enfants quand ils se plaignaient, « voilà où on en arrive quand on ne travaille pas. » Ainsi, la fille et le père lui servaient d'exemple vivant. « Faites comme celle-ci, ne faites pas comme celui-là. » Si monsieur de Mussidan avait pour cette commère mal peignée un parfait dédain, elle avait pour ce bel homme toujours soigné un profond mépris. Il n'y avait qu'un point sur lequel ils étaient d'accord, le jugement qu'ils portaient l'un sur l'autre. « Cette mégère fera mourir ses enfants à la peine, » disait monsieur de Mussidan. « Ce vieux fainéant tuera d'abord sa femme de travail, » disait madame Guesfiller, « puis ensuite il tuera sa fille. » Chose curieuse, elle admettait très bien que les autres puissent mourir tués par le travail, mais elle ne l'admettait pas pour les siens. Aussi, quand on essayait de lui faire remarquer que sa petite Odile était bien faible, bien pâle, se contentait-elle de hausser les épaules. « Ses sœurs ont été comme ça, » disait-elle, « elles ont pris le dessus, c'est un moment à passer. Elle ne mange pas assez, quand elle mangera, ça ira mieux. » Et elle rompait l'entretien en femme qui ne veut rien entendre, ni rien croire. Elle savait comment on élève les enfants, sans doute. Jamais elle ne supporterait que les siens prise des habitudes de paresse, voyez, monsieur de Mussidan. Cependant, si ferme qu'elle fût dans ses principes, si dure qu'elle se montra dans leur stricte application, elle avait fini par être obligée de permettre à Odile, de plus en plus fatiguée, de se reposer. L'enfant, qui avait toujours été rieuse et joueuse, était devenu d'une tristesse morne, cherchant la solitude et les coins sombres, ne pensant qu'à se reposer. « Ah, maman, je suis si fatiguée, si fatiguée. » Quand ses frères et ses sœurs, pour la distraire, essayaient de jouer avec elle, elle poussait des cris aussitôt qu'ils la touchaient. Pendant des semaines, elle ne voulait pas manger. Puis tout à coup, elle dévorait pendant quelques jours, ce qui aussitôt rassurait sa mère. « Quand on mange, on travaille. » Mais pour travailler, il faut des forces, et elle n'en avait plus. Plus de vivacité non plus, plus de mine. La poterne, terreuse, tantôt sèche, tantôt couverte de sueur, qui lui inondait les cheveux et le visage. Avec cela, un regard brillant, brûlant, qui éclairait cette face amaigrie, d'autant plus chétive que la tête était volumineuse. Le repos n'ayant pas suffi pour la défatiguer, Madame Guesfiller s'était décidée à appeler un médecin, qui avait ordonné le repos dans une chambre exposée au soleil et comme médicament des tartines de pain beurré saupoudrées de groselle gris. Elle n'avait pas discuté, mais quand il avait été parti, elle avait haussé les épaules. Quand pour tout médicament on ordonne aux gens du sel gris, c'est qu'ils ne sont guère malades. Et de très bonne foi, elle avait remis Odile au travail, en se disant que le médecin avait tout simplement voulu gagner le prix de sa visite. Mais cette reprise de travail n'avait pas été longue. Il avait fallu reconnaître qu'Odile était malade, vraiment malade. On avait appelé un nouveau médecin. Du beurre et du sel gris pour tout médicament à une enfant malade? Averti, le nouveau médecin n'avait eu garde de tomber dans l'erreur de son confrère. « Le beurre a du bon, et je le conseille aussi, mais nous l'assaisonnerons avec du chlorure de sodium. » Il s'était retiré, regrettant presque de n'avoir pas ordonné de prendre le chlorure de sodium avec une cuillère en aluminium. « À la bonne heure, » Il connaissait son affaire, celui-là. Et une enfant vraiment malade. Il ne se contentait pas d'ordonner du sel de cuisine. Ah, si elle l'avait appelé tout d'abord. Odile avait si bien pris l'habitude du travail que lorsqu'elle s'était trouvée dans son lit et dès le premier moment de repos passé, sans avoir de devoir d'harmonie à faire ou de clavier muet à étudier, elle était tombée dans une tristesse morose. « Tu vois comme on s'ennuie quand on ne travaille pas », lui disait sans cesse sa mère. « Mais puisque je ne puis pas travailler, ce n'était pas travailler qui m'ennuyait, c'était travailler toujours. » Maintenant, ce qui l'ennuyait, c'était dans la chambre exposée au midi où on l'avait installée, de n'avoir qu'à regarder les toits de la ville immense mêlés au-dessous d'elle en une confusion monotone où rien ne se détachait, si ce n'est de temps en temps les effets de lumière produits par les nuages et aussi les rubans de fumée qui se déroulaient à l'horizon. Pour la distraire, sa mère avait demandé à Madame de Mussidan de lui donner Geneviève toutes les fois que celle-ci ne travaillerait pas, et même quand cela se pourrait de la laisser travailler auprès d'Odile. Sans doute, il lui était facile de mettre l'un de ses garçons ou l'une de ses filles auprès de l'enfant malade, mais cela les eût dérangés. Et puis d'ailleurs, Odile n'était contente que quand elle avait près d'elle sa petite camarade. « Étudie ton piano, ne fais rien, ça m'est égal, mais reste avec moi, » disait-elle souvent. En réalité, elle n'était pas franche lorsqu'elle disait « Étudie ton piano ou ne fais rien, cela m'est égal. » Ce qu'elle désirait, ce qu'elle voulait, c'était que Geneviève ne fît rien. Une fois même, en l'absence de sa mère, elle s'était expliquée à ce sujet. « Tais-toi donc, » avait-elle dit à Geneviève, qui continuait à étudier consciencieusement. « Nous sommes seuls. Cela t'ennuie ?» Depuis assez longtemps, elle ne remuait presque plus dans son lit. En entendant cette question, elle s'était mise à taper, à trépigner sur ses draps. « Cela m'embête, m'embête, m'embête » s'était-elle écriée. « Cela me fait pleurer. Cela me fait grincer des dents. » Crois-tu donc que ce n'est pas exaspérant d'entendre toute la journée le piano, le violon, la harpe, le violoncelle? J'en pleure, j'en meurs. Geneviève l'avait regardé avec étonnement. Ça t'étonne, continua Odile. Mais toi, tu n'entends pas toute la journée le piano, le violon, la harpe, le violoncelle. Toi, tu ne travailles pas toute la journée. Quand tu es à table, à déjeuner ou à dîner, ton père et ta mère ne parlent pas tout le temps de piano, de violon, de harpe, de violoncelle. Oh, si tu savais comme ça m'embête! Elle disait cela avec rage, comme si elle avait défilé un chapelet de jurons en tapant sur son lit. Puis, se calmant un peu, elle appela sa camarade. « Viens là, près de mon lit. » Et quand Geneviève fut venue, lui prenant la main en inclinant la tête vers elle. « Si tu savais comme je serais content de ne plus jamais travailler mon piano, jamais, jamais !»« Tu aimes mieux l'harpe ?» demanda Geneviève. « Es-tu bête, ni l'harpe, ni le piano, ni le violon, ni rien ?» Alors, baissant la voix, « J'oserais aller à la campagne, en Alsace, et garder les bâches. » Du coup, Geneviève fut stupéfaite. « Si tu savais ce que c'est que de garder les vaches. Il y a 2 ans, j'étais en Alsace, et tout le temps j'ai gardé les vaches avec ma cousine Aurélie. Nous partions dès le matin derrière les vaches, emportant notre manger dans un panier. Pendant que les vaches paissaient, on jouait dans les bois. Il y avait des haies, des prés, des rivières, qui faisaient glou-glou sur les cailloux rouges. En voilà une jolie musique. Quand les vaches se couchaient pour ruminer, tu ne sais pas ce que c'est que ruminer. Eh bien, c'est une opération par laquelle les vaches mangent une seconde fois ce qu'elles ont déjà avalé. Quelle farce! Non, je t'assure que c'est vrai. Eh bien, pendant que les vaches ruminaient, nous allumions du feu avec du bois sec et des feuilles. C'est ça qui sent bon. Les feuilles brûlées, ça fait une belle fumée jaune avec des pétillements. En voilà encore une belle musique. Quand Geneviève revint le lendemain, elle apporta une vacherie que Mademoiselle de Pilorens lui avait donnée et dans laquelle il y avait des vaches en carton, des clés en allumettes et des arbres bleus. Elles jouèrent sur le lit d'Odile à garder les vaches. Mais si amusant que cela fût, il manquait cependant l'air de la verte forêt, le glouglou de la rivière sur les cailloux rouges, les pétillements du feu des feuilles et bien d'autres choses encore, hélas, qui ne se trouvent pas dans une chambre du 5e étage à Montmartre. Pourtant, ce fut une bonne journée pour Odile. Cette fois, ce n'était pas comme du piano. C'était elle qui avait la supériorité, qui était la maîtresse. Elle avait gardé des vraies bâches, fait du vrai feu. Elle connaissait son affaire et pouvait commander, dire ce qu'il fallait donner aux bâches, leur parler, les traire. Une seule chose, cependant, laissait à désirer, les arbres. Elle n'avait jamais vu des arbres bleus. Si seulement, elle avait un petit arbre vrai dans un pot. Alors, Geneviève n'eut plus qu'un désir, lui donner un arbre dans un pot. Mais quel arbre? Et puis combien cela coûtait-il un arbre en pot? Elle n'en avait aucune idée. D'ailleurs, cela serait toujours trop cher pour elle, qui n'avait jamais eu un sou dans sa poche. Enfin, n'y tenant plus, elle avait fait part de son envie à sa mère, mais celle-ci non plus ne savait pas ce que coûtait un arbre en pot. C'était là un objet de luxe, qu'on n'avait jamais fait la folie de se payer. Autrefois, avant son mariage, quand elle habitait l'impasse des Tilleuls et qu'elle avait une caisse à fleurs devant sa fenêtre, elle avait acheté quelquefois des mères de famille et des pois de senteur. Mais elle n'avait jamais été jusqu'à l'arbre en pot. Un matin, en sortant du conservatoire, elle avait couru jusqu'au marché du château d'eau. « Auras-tu assez d'argent, maman ?» demanda Geneviève. « Je l'espère. » Mais leur premier choix fut désastreux. C'était un palmier qui avait séduit Geneviève. « N'est-ce pas, maman, qu'il est beau ? Demande combien ? 50 francs. » Elles restèrent interdites, puis elles se sauvèrent sans écouter le marchand, qui consentait une diminution de 5 francs. Elles allèrent ainsi jusqu'à l'autre bout du marché où Geneviève aperçut un petit arbre à feuillage gracieux en fer de lance, tout couvert de petites baies rouges semblables à des cerises sauvages. « Si tu osais !» s'écria Geneviève en serrant la main de sa mère. Madame de Mussidan fut longtemps sans oser, mais enfin, les serrements de main de sa fille la décidèrent. « 4 francs !» répondit le marchand. Geneviève poussa un cri de joie triomphante. Madame de Mussidan avait déjà donné les 4 francs. « Et comment s'appelle notre arbre ?» demanda Geneviève. « Cerisette ou oranger des savetiers, ou mieux, solanum pseudo-capsicum. » Geneviève écrit ses noms et elle voulut porter elle-même son arbre. « Ce ne sera pas la peine de parler d'oranger des savetiers, » dit-elle en chemin. « Bien sûr !» Quand Odile vit entrer dans sa chambre l'arbre en pot qu'elle avait tant désiré, elle eut une défaillance, et toute la journée elle fut si gaie, si heureuse, qu'on ne put la croire guérie. Cependant, au bout de quelques jours, elle trahit encore devant Geneviève un autre désir. « Ce qui serait bien amusant, ce serait une bête qui se promènerait sous mon arbre en pot. »« Ou un oiseau dans ses branches, » dit Geneviève. « Un serin. Oh non, pas un serin. Une vraie bête de la campagne. Une vache. Tu te moques de moi. » Elle se moquait si peu qu'elle ne pensa plus qu'à compléter son cadeau en y ajoutant une vraie bête de la campagne. Mais quelle vraie bête de la campagne ! On n'introduit pas dans une chambre au 5e étage une vache ou un mouton. Longtemps, elle chercha en vain. Mais un dimanche qu'elle avait été à Asnières, chez ses amis les limoniers, elle trouva une petite poule cayenne qu'elle vit dans leur poulailler et qu'elle leur demanda en disant franchement ce qu'elle voulait en faire. Une poule, c'était une bête de la campagne. Ils la lui donnèrent avec plaisir et elle revint à Paris portant sa poule sur son cœur. Cette fois, ce fut un délire de joie pour Odile. Son arbre en pot, sa poule, la vraie campagne, cela était presque aussi amusant que de garder les vaches. La gaieté lui revint, mais non la force, non la santé. La maigreur s'était accentuée, la respiration était courte, le moindre effort était suivi d'essoufflement et d'étouffement. Un jour que Geneviève rentrait avec sa mère, elle avait entendu le médecin dire à Madame Guessilière sur le palier qu'il craignait l'asphyxie par acétolie. Elle avait retenu ces doux mots et les avait cherchés dans son dictionnaire. Elle n'avait pas trouvé acétolie, mais seulement asphyxie, mort par strangulation, et elle avait été épouvantée. Odile était donc en danger de mort. Cela avait rendu son sommeil léger. Une nuit, elle avait été réveillée par le bruit d'une porte qui s'ouvrait, et dans le vestibule, elle avait entendu la voix éplorée de Madame Guessvillers. « Ma pauvre Odile, morte, oh mon Dieu !»